Bonjour, Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de vous laisser porter par la science avec Futur Simple. À 18h30, la science va nous porter au cœur des atomes. Je serai en effet en compagnie de Jérôme Deshaies, qui est étudiant à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, et il nous expliquera comment il colle des couches d'atomes pour améliorer l'efficacité des détecteurs infrarouges pour les véhicules autonomes. Et puisqu'il est déjà au studio avec nous, bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, on se retrouve tout à l'heure à 18h30. Et avant cela, bien, la science va nous faire faire un détour inusité vers la politique. Alors, non pas que nous allions parler politique à Futur Simple, mais on va parler de décision politique. Et plus précisément, de science de la décision dans des situations complexes. Et pour cela, bien, je suis très ravie de recevoir une nouvelle fois Benoît Béchard. Il est docteur en psychologie de la décision et chercheur au laboratoire CODOT de l'école de psychologie de l'Université Laval. Il vient d'écrire un chapitre de livre dans le livre L'État du Québec 2015, un chapitre qui s'appelle L'État du Québec 2015, sommes-nous une société émotive? Et son chapitre à lui s'intitule L'élu face au mur de la complexité. Oui. Bonjour Benoît. Allô Valérie, comment ça va? Ben, ça va très bien, puis je suis bien contente que tu reviennes à l'émission. Ah, c'est toujours un plaisir d'être là avec toi, puis tu as toujours des excellentes questions qui nous font creuser un peu nos méninges. Ben, c'est ça, on est là pour ça. Ouais, absolument. Exactement, pour poser les questions qui font creuser les ménages. Oui. J'aime bien ça. Donc, si je résume, en fait, les ingrédients, Benoît, tu es chercheur en sciences de la décision et tu écris un chapitre de livre sur les élus face à la complexité. Oui. Dans un livre qui a pour thématique les émotions. Oui, tout à fait. Un drôle de mélange. Effectivement. Un petit peu. Alors, est-ce à dire que face à la complexité, les élus prennent leurs décisions sous l'influence de leurs émissions, de leurs émotions? Ah, écoute, c'est une bonne question que tu poses là d'entrée de jeu. Lorsque j'ai eu mes premières discussions avec les collègues de l'édition, l'Institut du Nouveau Monde, hein, qui s'occupe de la publication de cet ouvrage-là, qui est un ouvrage annuel. Hein. Chaque année, là, c'est l'État du Québec 2025, ça parle des émotions. J'ai eu ma discussion, puis je leur ai dit, écoutez, moi, je suis pas un psychologue clinicien, je suis pas un chercheur qui est professionnel dans les émotions, je suis un chercheur en psychologie de la décision. Hein. Je m'intéresse à la décision, puis à la complexité. On en parle souvent ensemble. Donc, les émotions, c'est pas mon turf. Et on a discuté, et finalement, il était tout à fait d'accord pour approfondir mon approche qui est, oui, les émotions, mais les émotions, c'est une variable dans la complexité de la décision politique. Alors, il y a les émotions comme l'anxiété, le stress, hein, mais il y a aussi d'autres choses, hein, qui composent la complexité politique. Mm-hmm. Ben justement, donc s'il n'y a pas de réponse simple non plus à une question complexe comme ça, alors on va commencer par le début, par décortiquer le sujet. Qu'est-ce qu'on entend en fait par complexité? Ouais, la complexité, là, si on le prend en une ligne simple, là, c'est la principale propriété des environnements de décision du monde réel. Les environnements dans lesquels on prend des décisions, y compris les décideurs politiques, mais ça peut être nous au quotidien aussi, c'est des environnements qui sont complexes. Quand je dis complexe, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de variables, hein, qui existent et qui peuvent intervenir dans notre prise de décision, influencer le résultat que ça va avoir, etc. On parlait des émotions d'entrée de jeu, hein. On peut parler aussi de la pression temporelle, hein. Est-ce qu'on est stressé en termes, est-ce qu'on est pressé par le temps, hein, pour prendre notre décision? On peut parler aussi d'une certaine forme de surcharge cognitive, hein, l'information, quelle information, à laquelle information on a accès, mais aussi à quel point il y a un amoncellement d'informations qui peut nous bloquer. Est-ce qu'on a assez d'informations? Est-ce qu'on en a trop peu? Hein, il y a cet élément-là aussi. Puis ça peut être tout un tas d'autres facteurs. En politique, on parle souvent de l'entourage, hein, des ministres ou des décideurs politiques, des décideuses politiques, les conseillers politiques, par exemple, les hauts fonctionnaires. Hein, j'ai publié il y a quelques années des articles sur le rôle des sous-ministres adjoints dans la prise de décision politique. Alors, il y a les hauts fonctionnaires qui sont une variable aussi à considérer dans la décision politique. Mm-hmm. Alors, la complexité, c'est tout un tas de variables comme ça qui, en interagissant, hein, une variable avec l'autre, finit par donner un environnement éminemment complexe pour les décideurs. Oui, puis c'est aussi, j'imagine, parce que quand on prend même des décisions dans un domaine donné, ça va avoir des répercussions sur un autre domaine. Il y a des liens entre les différents domaines. Et là, moi, la question que je me pose, c'est quoi la différence entre une situation complexe et une situation compliquée? Quand on regarde tous ces liens entre les différents domaines, moi, je me dirais, bah, c'est compliqué de prendre une décision. Excellent point. À la blague, il y a dans mes dernières années de doctorat, à un moment donné, je faisais une présentation, puis j'ai dit à mes étudiants, voyez-vous, ça c'est vraiment compliqué là comme situation. Je parlais de complexité, puis là mon directeur de thèse s'est levé dans la salle, puis il a dit non, c'est pas compliqué, c'est complexe. Mm. Puis là je l'ai retenu, à partir de là j'ai plus jamais fait l'erreur. Mais il y a simple, il y a des problèmes simples de la vie réelle, hein, il y a les problèmes compliqués, puis il y a les problèmes complexes. Les problèmes simples là, à la blague je dis souvent, c'est de monter un meuble prêt à monter là, un meuble IKEA là. Ouais. Hein, ça c'est un problème simple. T'as un plan, tu suis ton plan, okay. Ça va bien se passer. Et on sait à quoi on arrive. On sait à quoi. Le résultat attendu devrait, grosso modo, donner ce que c'est supposé donner. Ça, c'est un problème simple. Les problèmes compliqués, ton invité peut-être à 18h30 pourra me contredire, mais je me lance quand même. Les problèmes compliqués, c'est les problèmes où est-ce qu'il y a des formules, puis des plans, différents plans, qui peuvent être suivis pour en arriver à un résultat qui, on l'espère, va donner... Mm-hmm. Ce qu'on veut que ça donne. Alors, s'il y a des formules, puis souvent, ça prend de l'expertise aussi, les problèmes compliqués. Hein? L'expertise, un grand niveau d'éducation, avoir une bonne expérience dans un domaine. On parle souvent, par exemple, de faire lever une fusée dans l'espace. Hein? Mm-hmm. Hein? Ça prend des gens qui sont très, très des spécialistes. Hein? Mais une fois qu'on a maîtrisé le problème compliqué, on est capable de reproduire à peu près la solution, puis la formule pour y arriver, hein? Pour résoudre le problème compliqué. Le problème complexe, c'est là qu'on arrive à notre sujet de ce soir, c'est nos amis anglophones aux États-Unis appellent ça parfois des « wicked problems », hein, des problèmes chaotiques. C'est des problèmes qui sont incontrôlables. On les contrôle pas, ces problèmes-là. On parle, par exemple, du fameux système de santé au Québec, hein, les problèmes à chaque fin d'exercice financier, puis à chaque fin d'exercice électoral, on est encore le bon vieux enjeu électoral du système de santé qui n'est pas résolu, etc. Non, c'est parce qu'il y a plein de facteurs à contrôler, puis c'est des facteurs qui ne sont pas toujours contrôlables. Exact. On parle de la crise environnementale, les changements climatiques, hein, qui est un excellent exemple de problème complexe. Ouais. Alors, on a beau suivre un plan ou une procédure prédéfinie pour tenter de régler ou résoudre un problème complexe, c'est à toute fin pratique impossible. Mm-hmm. Mon meilleur exemple pour les problèmes complexes, c'est élever un enfant. Hein? Mm. Avoir des enfants, une famille. Tu auras beau avoir une formule ou essayer d'avoir un plan pour coucher ton nouveau-né un soir. Tu t'es dit, je suis en carence de sommeil, ça fait 2 semaines que j'ai pas dormi. Là, je l'ai positionné comme ça, j'ai fait une danse un peu, j'ai tourné à gauche et à droite, je l'ai déposé, il s'est endormi comme ça. Je vais reproduire exactement le même plan demain soir, puis ça va bien aller. Erreur, hein, les enfants nous surprennent toujours, puis finalement, ben non, il va pleurer toute la nuit, etc. Mm-hmm. Alors, la formule pour un problème complexe, dans ce cas-ci, c'est plus un défi qu'un problème, un enfant. élever un enfant, c'est un problème, un défi complexe, disons ça. Ouais. Ouais, plus un défi qu'un problème. Oh, ouais, c'est ça. Mais donc, je comprends qu'en fait, un humain, il peut pas appréhender toutes les ramifications d'une situation complexe, tous les facteurs. On n'a pas non plus toutes les formules, de toute façon, pour les résoudre. Alors, dans ce cas-là, comment, et puis alors en politique, comment on fait à ce moment-là pour prendre des décisions? Est-ce qu'il faut s'infliger les problèmes pour arriver à prendre quand même une décision? Oui et non. Ce qu'avance là, c'est très, très bien, parce que c'est quelque chose qui est fait quasi inconsciemment, hein, par l'esprit humain ou pour la cognition humaine. On a tendance à, parce qu'il y a une surcharge cognitive, il y a trop d'informations. Hein. Souvent, les auteurs, certains auteurs que je cite dans mes travaux nous disent « too much information kills information ». Ouais. Hein, c'est bon. L'information tue l'information. Exactement. Donc, on a tendance, quasi de manière intuitive, hein, on tendance à réduire l'information. Hein. On va être réductionniste dans notre traitement de l'information. Alors, on va focaliser notre attention sur certaines brides d'informations. Hein, on va envisager un problème en tunnel, hein, ouais, en évitant. Silo. En silo. On dit qu'on travaille en silo. Exact, est-ce que exact. C'est avec une manifestation des ailleurs. De ça. Ouais. Tout à fait. Et ça, c'est le cerveau humain qui fait ça. Les travaux de Daniel Kahneman, par exemple, qui est un Nobel d'économique, hein, qui est décédé récemment, d'ailleurs. Il y a eu un prix Nobel d'économique en 2002, je pense. qui a mis ça au grand jour, hein, les deux vitesses de la pensée, la vitesse 1 qui est une vitesse intuitive, la vitesse 2 qui est une vitesse réfléchie, systématique, ah, oui. Où est-ce qu'on s'arrête sur un problème pour le réfléchir. Et souvent, c'est la vitesse 1 qui est enclenchée, hein, dans nos activités quotidiennes, nos décisions quotidiennes. Et dans ce cadre-ci, la vitesse 1 nous amène à prendre des raccourcis. Face à la surcharge cognitive, il y a trop d'informations, on prend des raccourcis qu'on appelle dans notre jargon scientifique des heuristiques. Hein. Et ces raccourcis-là, pas toujours, mais parfois, nous amènent à des décisions qui sont biaisées, qui font plus de mal que ce qu'on avait au départ, avant de s'intéresser au problème, qui aggravent donc la situation, ou du moins qui ne la résolvent pas. Alors, une décision biaisée. Mmh. Puis pour concrétiser un petit peu tout ça, j'aimerais que tu nous décrives l'exemple que tu prends dans ton chapitre, ouais. Que tu décris dans ton chapitre ouais. de livre et qui relate la fameuse subvention des Kings. Ben écoute, quand on parle, Valérie, des biais cognitifs, c'est toujours intéressant de les exemplifier un petit peu avec l'actualité. Ouais. J'ai choisi cet exemple-là parce que je trouvais qu'il était parlant puis il était récent aussi dans l'actualité au Québec. On se rappelle, nos auditeurs vont se rappeler de la subvention qui a été consentie par le gouvernement du Québec aux Kings de Los Angeles. Hein. On parle beaucoup de Los Angeles ces temps-ci, pas pour la même raison. Hein. À raison, on parle beaucoup des feux présentement, mais il y a 2 ans, je pense en 2023, fin de l'année 2023, à cette époque-là, on était en fin d'année, donc à l'approche des fêtes. Il faut se rappeler du contexte aussi, on avait des grèves des enseignants du primaire qui étaient dans les rues pour réclamer des meilleures conditions de travail, mais aussi une meilleure valorisation de leur profession. Puis on avait aussi, de l'autre côté, un débordement dans nos banques alimentaires. Hein. Une demande là pour les services de banques alimentaires à l'approche du temps des fêtes qui était en forte croissance. Alors c'est dans un contexte comme ça, difficile à l'approche du temps des fêtes, qu'en grande pompe, notre ministre des Finances, M. Girard, Éric Girard, se présente en point de presse et nous dit « Bon, on est heureux de subventionner les Kings de Los Angeles, qui est une équipe de la Ligue nationale de hockey, pour venir faire 2 matchs préparatoires avant la saison l'année prochaine, au coût de 7 millions. » 7 millions. Bon, 7 millions, c'est une peccadille dans le budget de l'État québécois, mais si on ne s'intéresse pas à ce genre de problème-là, bien finalement, on ne changera jamais rien. Alors, c'est important quand même que ce soit 7 millions, 14 millions, c'est important d'en parler quand même. Et donc, ce 7 millions-là, ce que j'explique dans le chapitre que j'ai signé dans l'État du Québec, c'est que il a été pris sous le coup de l'effet d'ancrage. Hein? Mm-hmm. Un effet d'ancrage, c'est... J'en suis venu à cette conclusion-là en lisant les entrefilets dans les différents médias qui couvraient cette affaire-là. On nous disait que M. Girard a pris sa décision en considérant ce qui s'était fait dans le passé. Hein? Ah, oui. Ses prédécesseurs, les autres ministres des Finances qui l'ont précédé, consentait à peu près ce budget-là pour des activités de même ampleur sportives. Hein. À chaque fin d'exercice financier, il y avait un certain nombre de millions qui allaient à ce genre d'activité-là. Alors, M. Girard nous justifie ce 7 millions-là, hein, une subvention à une équipe de millionnaires, là, en disant, ben écoutez, mes prédécesseurs donnent à peu près ces fonds-là à des activités de cette envergure-là. Alors, d'une part, il y avait ça, l'ancrage. C'est une pratique, c'est ça. Donc, c'est une pratique des dernières années. Donc, on la maintient sans regarder un peu plus loin. Là, c'est ça. Et ça fait un lien avec ce qu'on disait il y a quelques minutes. C'est un raccourci cognitif de faire ça. De se baser sur une ancre pour tasser du revers de la main les autres pièces d'information qu'on pourrait utiliser pour prendre notre décision. Mm-hmm. On se base sur une ancre, ça facilite beaucoup les choses, ça simplifie les choses. Puis, l'ancre nous permet d'ajuster notre décision en fonction de ce qui a été fait dans le passé. Mmh. Alors, ça, c'est un point. Cette décision-là, on se rendra compte qu'elle a été, a posteriori, et souvent, on est les juges sur la ligne de côté, mais bon, dans notre travail de chercheur, souvent, on regarde ce qui se passe, on observe. Et ça aurait été une mauvaise décision parce qu'on s'est rendu compte que les Kings de Los Angeles ont aussi fait une visite à Salt Lake City gratuitement. Mmh. Alors, c'est un peu ce genre de biais-là qui est vraiment à s'intéresser en politique parce que la politique, ça concerne tout le monde. Mmh. Fait que c'est un peu ça. Mmh. Mais ça suggère quand même cet exemple et puis la prise de décision rapide là, avec ces raccourcis, ça suggère qu'il y a une limite quand même de notre cerveau pour traiter de la complexité. On n'est pas capable de faire face à la somme d'informations qu'il faudrait assimiler, accumuler, traiter pour prendre la bonne décision. Oui. Et donc, on va un peu vite et on prend la décision. Donc, c'est comme s'il y avait une limite de notre cerveau oui. à traiter l'information. Oui, tout à fait. Il y a les travaux en psychologie de la décision, en sciences cognitives, nous disent qu'au-delà, et ça, c'est un peu pessimiste, là, mais c'est la réalité des choses dans les recherches, au-delà de 4 variables, hein, 4 mm-hmm. facteurs, 4 petits facteurs mis en interrelation, pas beaucoup, là. Si on prend l'environnement économique, ce qui est mon dada, là, un exemple que je donne souvent, vous avez un décideur politique là, qui regarde un petit peu l'état des choses, hein, l'écosystème hein, québécois, puis il regarde, puis il se dit, bon, ben le niveau d'inflation est à peu près ça, hein, les taux d'intérêt sont environ ça, la croissance économique, les projections, ça nous donne ça à peu près, et puis, bon, il va y avoir un taux de chômage qui est à peu près ça. Ces 4 petits facteurs-là, en interrelation, si on les met ensemble, l'être humain, la cognition humaine a énormément de mal à prévoir ce qui va se passer mm-hmm. dans le futur. 4 variables. Mm-hmm. Hein, c'est pas le monde réel. On est dans des milliers de variables dans mm-hmm. le monde réel. Alors, c'est là qu'on parle de... Et le titre est peut-être un peu cavalier, mais c'est un mur. C'est un mur, la complexité du monde réel pour la cognition humaine. Ouais. Mm-hmm. Mais pourtant, dans une vie, dans une société complexe, on n'a pas le choix, en fait. On fait constamment face à une multitude. On est toujours au-delà de 4 facteurs. Oui, c'est ça. Souvent. Donc, on n'a pas le choix de tenter de dépasser un petit peu ce mur de la complexité. Mm-hmm. Essayez de nous rassurer, Benoît. Est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce qu'on est condamné à prendre des décisions biaisées quand on est face au mur de la complexité? C'est une excellente question. Puis je te remercie de me permettre d'être positif, d'être optimiste en fin d'entrevue. Écoute, c'est moi, je suis un optimiste. Puis c'était important quand j'ai lu mes échanges aussi avec à la fin de mon doctorat avec mes collègues de recherche, on se disait, bon, ben il faut tenter aussi de rester sur une note optimiste des choses parce que c'est la réalité puis ça touche tout le monde, là. La prise de décision politique. Et puis, l'idée, c'est qu'on peut... Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Puis je pense que c'est un amalgame de ces options-là, et je vais te les mm-hmm. proposer, qui peuvent faire en sorte d'aider le décideur à prendre des meilleures décisions au quotidien. On parle souvent de connaissances. Hein? On fait la distinction entre connaissances et compétences. Là. Des connaissances politiques, par exemple. Alors, il y a des décideurs qui, avec plus de connaissances, par exemple, des activités parlementaires, hein, du monde de la politique, sont plus à l'aise rapidement, sont plus efficaces dans les... Donc ça peut aider. Mais c'est certainement pas la seule clé. On peut pas être juste connaissant en politique pour prendre des bonnes décisions politiques. Que, en fait, plus on est connaissant et plus on croule sous l'information. C'est ça, il y a ce point-là. Plus le mur de la complexité est vaste et épais. Ben, c'est ça, hein. Je me rappelle plus quel chercheur, et peut-être Jérôme en deuxième partie pourra nous renseigner là-dessus, mais il y a un chercheur qui nous disait, bon, ben... c'est qui disait, du moment où on se rend compte qu'on connaît quelque chose, on ne sait plus rien. Hein? Voilà, c'est ça. C'est la réalité. Ouais. Il y a les connaissances d'un côté qui peuvent aider à certains points, mais ça doit être jumelé à d'autres choses. On parle souvent aussi de compétences. Alors, les compétences, il y a les compétences techniques. Hein? Les compétences techniques, c'est par exemple un pompier qui sait comment manier son boyau d'incendie. Hein, ça, c'est des compétences techniques. Il y a les compétences non techniques, les compétences transversales ou compétences d'avenir, comme par exemple la pensée systémique ou la pensée complexe. Et ça, on a la prétention de dire que, et on est dans ces recherches-là présentement, hein, dans mes recherches, on essaie de voir si effectivement on peut entraîner la pensée complexe chez les décideurs. On a la prétention de dire que si on est capable de entraîner la capacité d'une personne à penser aux conséquences et à réfléchir aux conséquences des conséquences de ses choix, on va être en mesure de prendre des meilleures décisions dans un environnement qui est dynamique, qui bouge. Mais c'est pas facile, ça dépend des conséquences sur quoi. Tout à fait. Donc là, il faut anticiper, mais sur quoi ça peut avoir des conséquences? Puis là, c'est les conséquences des conséquences dont tu parles. Donc, oui. C'est vertigineux. Et de là, le troisième point que j'amènerai là-dedans, connaissances, compétences non techniques, mais aussi support à la décision. Hein? Dans ce contexte-là où c'est très difficile de voir toutes les ramifications dans un système complexe, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pas utiliser l'intelligence artificielle ou les différents outils de support à la décision pour prendre de meilleures décisions, pour nous permettre, par exemple, sans qu'on ait à faire l'effort, de cartographier un système complexe, de l'avoir à côté de soi quand on prend une décision, pas pour remplacer notre décision, parce que, bon, les décideurs politiques sont élus. Hein, alors, il y a un enjeu là-dessus. Mais pour les aider, du moins, hein, à considérer les informations pertinentes pour prendre une décision. Ouais, peut-être alors, pour aider à visualiser ou à schématiser l'ensemble des répercussions possibles. Exact. potentiel, la projection, la prévision. Ouais, c'est ça. Mais c'est rassurant de savoir qu'il y a des formes d'entraînement, mais moi, ce que je me demande, c'est si les élus auront envie de s'entraîner si cet entraînement les porte à prendre des décisions qui ne vont pas dans leur sens, le sens de leur vision politique. Est-ce qu'ils vont quand même prendre ces décisions-là ou pas? quand je lisais ta préparation, je me disais, quelle bonne question. Ça, c'est une excellente question. C'est éminemment dur de prendre un élu, de l'amener dans un laboratoire, puis de faire une expérience sur les élus. Moi, au doctorat, j'ai fait ça. Après un an de recrutement, j'ai réussi à en avoir une vingtaine. C'est pas mal. Ah, c'est quand même bien. C'est quand même des élus en cours de mandat actifs qui sont venus participer à mon expérience où je les faisais jouer à un jeu de prise de décision politique pour calculer leur performance. Hein. Alors, les élus, ils sont frileux. Hein. Bon québécois, ils sont frileux de sortir de leur bureau, de leur circonscription, parce que ils appréhendent qu'on va leur jouer dans la tête. Hein. On va probablement être une des personnes qui va pouvoir au grand jour dire souligner leur carence ou leur défaillance en termes de décideurs. Ils vont être des mauvais décideurs à cause de notre recherche, etc. Alors ces élus-là, c'est tout un défi de les sortir. Est-ce qu'ils vont être intéressés à s'entraîner? Peut-être si on leur présente comme étant un bon coup pour l'ensemble de la société ou l'ensemble de la communauté pour laquelle ils prennent des décisions. Et à partir de là, peut-être que je fais une longueur, mais il va falloir que ça vienne aussi de la population, je pense. Mm-hmm. Hein, pour que les gens reconnaissent que les élus ont besoin peut-être de développer certaines compétences pour être en mesure de mieux gérer les budgets d'État. Ce que je me demande, c'est si cet entraînement leur amène à certaines décisions qui ne vont pas dans le sens de leurs valeurs, de leur vision ou même de leur ligne de parti. Par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, Valérie. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas forcément d'idée. Oh. Mais mettons qu'ils s'entraînent, ils sont face à une situation complexe, ils ont bénéficié de cet entraînement, ils ont une vision de cette situation. Et là, la décision qui semblerait pertinente dans cette situation complexe sera différente de la décision qu'ils auraient prise de façon plus instinctive en faisant leur biais habituel. Et si c'était une décision différente qui s'écarte de leur vision politique. Écoute, on fait la gageur de se dire, ah, t'as raison, c'est compliqué, complexe, voire complexe. Mais on fait la gageur de se dire que peut-être qu'en les entraînant, ils vont être mieux à même de réfléchir leurs a priori, leur idéologie de base. Mmh. On a d'ailleurs sorti un article là-dessus, on en a parlé ensemble sur l'idéologie. Oui. À l'effet que l'idéologie, lorsque tu te campes sur ton idéologie personnelle pour prendre des décisions, ça nuit à ta performance. Ouais. Alors lorsqu'on est dogmatique, c'est pas bon. Alors, effectivement, il va y avoir des travaux à faire, hein, puis ce n'est qu'une étude une ou deux études dont on parle dans ce chapitre-là de l'État du Québec, mais on a quand même la prétention de dire qu'en les entraînant, ils vont probablement être plus conscients des réalités de leur environnement pour prendre une meilleure décision. Peut-être de leur biais aussi. Oui, aussi, exactement. Une toute dernière question, Benoît, là, rapidement. Avec plaisir. On voit toute la complexité quand même de prendre des décisions dans une situation complexe. Et moi, je me pose la question, pour un chercheur comme toi, étudier la complexité, c'est complexe ou compliqué? c'est simple. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est quoi, de la complexité, c'est complexe. Je pense que c'est le titre du premier titre aussi de cet article-là. Peut-être qu'on peut dire que c'est passionnant aussi. Ah oui, aussi. Si j'aurais pas fait une dizaine d'années là-dessus, si ça me passionnait pas, effectivement. Merci beaucoup, Benoît. C'est vraiment très intéressant d'entendre ton éclairage scientifique sur la prise de décision politique. Toujours un plaisir, Valérie, de venir à ton micro. Merci. Donc, je rappelle que Benoît Béchard est docteur en psychologie de la décision et chercheur au laboratoire CODOT de l'École de psychologie de l'Université de Laval. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, en fait, on peut retrouver ton chapitre de livre. Oui, tout à fait. Rappelle-nous, le titre, là, c'est « L'État du Québec, sommes-nous une société émotive ?» Et le titre de ton chapitre... Oui, et le titre de mon chapitre, c'est l'élu face au mur de la complexité. Voilà, l'élu, puis il y a plein d'autres bons chapitres. D'autres bons chapitres dans le livre. Tout à fait, Merci beaucoup, Merci. Benoît.